Eux, ils mettent la pression pour des actions de sauvegarde de la planète menacée par les changements climatiques. Des activistes ont décidé d'investir la cour du Parlement fédéral en pleine zone neutre à Bruxelles, une zone en principe interdite aux manifestants sauf dérogation express. Et ce n'était pas le cas aujourd'hui. Alors Imad Messoudi, comment ont été accueillis ces activistes ? C'est un petit peu la surprise ici, il faut l'avouer. Il y a une sécurité évidemment au Parlement avec la police militaire, mais les activistes sont arrivés par deux groupes de 50 personnes à chaque fois, à gauche et à droite, et ont débordé la police militaire qui était présente. Ils ont débordé donc la sécurité et ils sont allés s'installer derrière moi au niveau des marches donc de la cour du Parlement. Ces activistes font partie d'un groupe qui s'appelle For the People, For the Time, For the People, Time for the Climate. C'est le moment pour le climat, c'est le moment pour le peuple. Que l'on pourrait traduire ainsi. Ils sont ici pour dénoncer ce qu'ils appellent l'inaction du gouvernement, du Parlement et de façon plus générale des autorités belges concernant la lutte contre le réchauffement climatique. Et ils ont choisi évidemment un endroit qui est presque sacré ici, le Parlement. On ne manifeste déjà pas au niveau de la zone neutre et encore moins à l'intérieur du Parlement. Je vous propose d'écouter la porte-parole du groupe, Camille. Elle explique pourquoi ils sont venus ici et pourquoi ils manifestent. On est aussi au Parlement parce que c'est le lieu de la voix du peuple, c'est le lieu des débats démocratiques. Or, le débat sur l'action climatique, il est absolument pas à la hauteur. On est ici, pour le moment, en train d'occuper le Parlement fédéral à une centaine de personnes pour pointer l'irresponsabilité des institutions belges face au changement climatique. Les mesures prises, annoncées ou même pas annoncées par le gouvernement, elles sont largement insuffisantes, complètement en dessous des recommandations du rapport du GIEC. Et donc, nous, on est ici pour secouer le débat politique au Parlement, justement, là où est censé être portée la voix des citoyens. Alors il y a également une question d'agenda. On est à quelques jours de la marche Claim the Climate qui aura lieu ici à Bruxelles. On attend pas mal de monde. On est également à quelques jours du début de la COP24, cette très grande négociation internationale entre les États qui commencera lundi prochain pour deux semaines. Et puis on est également au lendemain de la publication d'un nouveau rapport de l'ONU qui estime qu'il faudrait que les États triplent leurs efforts concernant le réchauffement climatique. Bref, l'agenda était important et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ce groupe d'activistes était présent ici au Parlement. Tout dernier mot, l'action s'est terminée à 12h40. Il n'y a pas eu d'arrestation, les personnes ont été identifiées et absolument tout s'est passé dans le plus grand calme. Aujourd'hui, Corinne, on va faire quelque chose que peu de médias font et qu'on ne fait pas assez, nous non plus, à la Bastille J'y suis. C'est un droit de suite, ou qu'on devrait appeler d'ailleurs un devoir de suite. Les suites de ce qu'on évoque ici, parce que souvent on fait une émission, on informe, on dénonce, on relaie une lutte, et puis après, on ne sait pas ce que ça devient, on n'en parle plus. Et si on a eu l'idée de faire ça aujourd'hui, c'est parce que ta première chronique, il y a un an, était consacrée à l'A45, cette autoroute entre Saint-Étienne et Lyon, ce projet d'autoroute qui finalement ne se fera pas. Un an après, c'est une victoire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une victoire qui est liée à la mobilisation sur le terrain. Parce qu'il y a une coordination des opposants en fait, qui s'était mise en place à l'automne 2016. Il y avait déjà avant des opposants, mais là, ils se sont vraiment coordonnés, organisés. Il y a eu des manifestations sur place. Il y a eu notamment un gros week-end le 1er et 2 juillet 2017 où il y avait eu 10 000 personnes, 130 tracteurs. Et c'est aussi une des caractéristiques de cette lutte, c'est qu'il y avait des agriculteurs, des habitants, des élus, une mobilisation vraiment très large. Donc, merci d'être là pour cette deuxième partie de la journée. Donc, pour ceux qui étaient présents un peu plus tôt, on a d'abord eu un débat sur le droit à l'image avec un spécialiste, Jean-Christophe Lardinois, qui nous a expliqué, en tout cas qui a essayé de démêler toutes les ambiguïtés qu'il peut y avoir dans certaines circonstances, surtout en termes de publication d'images et de droit à l'image quand on filme notamment des policiers dans le cadre d'interventions publiques. Donc on est ici dans une exposition collective, une exposition qui est organisée avec la Ligue des droits de l'homme, avec le collectif Krasny, avec Frédéric Moreau, qui est photographe, dans le but justement de faire vivre des images qui ont échappé à la censure de la police. Et aussi pour questionner la question de la liberté, des libertés d'expression, de la liberté fondamentale, qui est questionné aujourd'hui, notamment quand on est confronté à des mobilisations, quand on est sur le terrain des manifestations, des grèves, où on se rend compte que le rapport à ceux qui filment, mais aussi à ceux qui se mobilisent, est pour le moins à l'intimidation et pour le pire à des arrestations, voire parfois à des arrestations violentes. Donc c'est pour ça qu'on pense que c'est important, dans un cadre d'éducation aux médias, comme c'est la mission de Zine TV, d'évoquer ces questions-là aujourd'hui. Et donc j'ai avec moi Mathieu Beys, qui est juriste, qui travaille pour la Ligue des droits de l'homme et qui a écrit le livre « Nos droits face à la police ». J'ai à ma gauche Lévi Soli, qui est permanent de la FGTB Anvers, et qui va nous parler spécifiquement aussi d'un cas emblématique qui est un piquet de grève qui s'est tenu à Anvers en juin 2016 et qui a donné lieu à toute une procédure judiciaire. On reviendra là-dessus. Et Eric de Meester qui va faire la traduction parce que Lévi Soli parlera en néerlandais. Donc voilà, Eric de Meester va nous traduire en français. Donc voilà, pour lancer ce débat, et je pense que j'aimerais faire une transition entre ce qu'on a eu avant et ce qu'on va discuter maintenant, c'est une affaire qui n'est pas de l'ordre des mouvements sociaux, mais qui est le cas d'un blogueur qui a filmé une action policière à Bruges, si je ne me trompe pas, c'est l'été 2014. Et Mathieu Beys pourra revenir là-dessus, on va pouvoir voir la vidéo aussi, pour introduire donc cette discussion. On regarde d'abord ou on papote Ik ben een man die werkt 20 euro per dag. Ik betaal evenveel, 100 keer belasting dan jou. Ik werk, ik profiteer niet van de stad. Ik werk. Zwijg dus. Stoppen, nee, dat je prostaatkanker krijgt meer grote moeder. Bent u het water, is de meneer en ik word een klacht inbrengen. Ik kan eerlijk zijn wat er gebeurd is. Het is niet eerlijk, ik heb gezegd, het wil je alstublieft de zaak verlaten. Ja, eerlijk zeggen. Mijn vriendin en ik zijn hier aan die jongens, rustig zijn dat woord. Ja. Zit hier gewoon een tas koffie drinken. Ja, hier moet nog binnen hoor. Ja, kom hier. Ja, hier moet nog binnen hoor. Wacht, meneer, mag dat stoppen met filmen, hè? Nee. Waarom niet? Ik zit hier op een openbare plaats. En ik mag de politie in actie filmen. Oké, niet wel meneer dat er gefilmd wordt, ga je niet filmen. Ça vous aura permis d'améliorer un peu votre ouest flamand aussi, donc merci à Zine TV pour ça aussi. Donc voilà, c'est juste pour faire la transition entre le débat de tout à l'heure et celui-ci. Donc pour l'histoire, en fait, tout commence, c'est de la faute d'une abeille, hein. Tout ça, c'est de la faute d'une abeille qui est allée boire le café d'un client. Qui a donc demandé au serveur d'origine étrangère de lui payer un autre café gratuit parce qu'une abeille était entrée dans sa tasse de café, le serveur ayant refusé. Et tout ça est expliqué sur le site. Et comme le serveur refuse, eh bien, s'ensuit une bagarre avec des relents un petit peu racistes, puisque comme le serveur est d'origine étrangère, eh bien, le client lui dit « Ah ben, c'est toujours comme ça avec vous, etc. » Et donc, ça monte un petit peu. Et donc, un autre client, qui est Didier Cote, filme la fin de la bagarre et l'intervention de la police. Alors, on ne sait pas comment la bagarre s'est terminée. Par contre, ça s'est terminé devant la justice, parce que la policière, comme vous le voyez, dit arrête de filmer. Le blogueur dit non, j'ai le droit, je suis dans l'espace public, vous faites votre boulot, je vous filme. Et pour avoir placé ce film-ci donc, sur son blog, ce blogueur, Didier Cote, s'est retrouvé devant le tribunal correctionnel de Bruges. donc attaqué par au pénal par les deux policiers et par la ville de Bruges qui s'était constituée partie civile contre ce blogueur et qui lui réclamait en plus 5 000 euros, je pense, de dommages. Il a été condamné en première instance par le tribunal correctionnel de Bruges, le tribunal considérant que le fait de filmer et de diffuser était un traitement de données à caractère personnel et qu'on ne pouvait donc pas le faire sans autorisation, et donc il a eu une amende avec sursis. Tout récemment, début octobre 2018, en appel, la cour d'appel de Gand l'a acquitté. L'a acquitté en disant que comme, avec une motivation un peu décevante, elle dit simplement que comme les policiers eux-mêmes n'étaient pas visés, mais qu'il avait commencé à filmer la bagarre qui avait des relents racistes, filmer une bagarre un peu raciste, c'est de l'information d'intérêt général, c'est intéressant pour tout le monde, et filmer la manière dont les policiers appréhendent ça, c'est intéressant aussi. C'est un peu ce jugement ne réaffirme pas clairement le droit des citoyens de filmer la police. Il dit simplement la loi sur la vie privée elle n'est pas applicable parce que c'est une scène d'intérêt général et que les policiers n'étaient pas filmés. Ils interviennent dans une scène plus large. Voilà. Mais donc c'est quand même ça vous démontre que on peut mobiliser pas mal de ressources policières et judiciaires et également d'argent du contribuable quand on dit voilà la justice n'a pas beaucoup de moyens, etc. Bon, elle a quand même ici les moyens de poursuivre ce monsieur et donc ça pose question à ce niveau-là, même si ça se termine finalement bien. Je pense que c'est un bon exemple pour montrer tous les moyens qui peuvent être mis en place pour criminaliser ce qui n'est en fait que le droit de l'exercice d'un droit citoyen de filmer quelque chose qui a l'air très banal, hein, c'est une bagarre de café, très banal, mais qui en fait pose des questions sociétales importantes, hein, sur voilà, le racisme et la manière dont la police intervient. Voilà, j'en dis pas plus, on va avoir plein d'autres choses à discuter. Et donc, quand on parle de criminalisation en général, donc ici en l'occurrence, c'est celui qui filme qui se retrouve face à la justice, et donc effectivement, c'est intimidant, enfin, c'est des procédures qui sont quand même assez compliquées. Mais on retrouve la même chose aujourd'hui par rapport à des personnes qui sont militants dans des mouvements sociaux, dans des syndicats. Qui mènent différents types d'actions, dont par exemple des actions de désobéissance civile. Je ne sais pas si vous avez entendu parler récemment, il y a le fameux procès des écrans qui est un cas emblématique, enfin qui est un cas emblématique parce qu'il n'a pas abouti encore aujourd'hui, où c'est un participant à des actions de désobéissance par rapport au TTIP, donc des actions qui avaient lieu ici à Bruxelles, qui a détourné un panneau, le panneau Coca-Cola qu'on connaît tous à De Broeker, qui n'a pas été détourné très longtemps, hein, quelques minutes à peine. Mais voilà, dans l'absolu, la police a réussi à identifier la personne qui a fait ça. Et c'est devenu une priorité en cybercriminalité. Alors qu'on peut se poser la question, tiens, est-ce qu'effectivement c'est la priorité de la justice aujourd'hui, quand on connaît des cas de pédophilie sur Internet ou plein d'autres affaires, est-ce que la priorité aujourd'hui, c'est un militant qui fait une action qui finalement... n'a porté préjudice à personne, Coca-Cola m'a pas porté plainte, donc je veux dire, c'est vraiment une décision, on peut parler de décision politique à un moment donné, enfin en tout cas on peut s'interroger sur le caractère politique que peut avoir ce genre de décision. Et donc c'est une image aussi qu'on crée du militant, de la personne qui, à un moment donné, veut défendre ses droits. Et je pense que... ici, on a la chance d'avoir Lévi Soli qui va nous expliquer ce qui s'est passé à Anvers en juin 2016, donc le 24 juin 2016. Une grève qui se met en place, un piquet de grève, comme ça se faisait assez régulièrement dans ce genre de combat, donc face aux mesures du gouvernement Michel, qui veut réformer les pensions, remettre en cause le saut d'index et d'autres mesures. Et donc on est face à un combat social qui se termine à nouveau devant les tribunaux. Alors je vais mettre quelques images, mais sans son, et je vais laisser la parole à Lévi. Goedemiddag. Misschien hebben we eerst de film kunnen kijken. Ik zou in eerste plaats de organisatoren van het debat willen bedanken, de kans te hebben om hier te spreken, omdat ik denk dat het belangrijk is dat de criminalisering van de sociale bewegingen, we bespreken die in de vakbondstructuren, maar ik denk dat het belangrijk is dat de discussie gevoerd wordt met de ganse sociale bewegingen om er ook lessen uit te trekken. Tout d'abord, ik voudrais remercier les organisateurs qui l'ont invité aujourd'hui. Parce que non seulement la criminalisation des actions sociales, ça se débat dans les structures syndicales, dans le mouvement ouvrier, mais il est important que cette question-là soit débattue dans le mouvement social tout entier. Et je zou me er vandaag gemakkelijk van kunnen afmaken met te zeggen, dit gebeurt in Antwerpen. Het is geen toeval dat het in Antwerpen gebeurt met het burgemeesterschap van Bart. Je pourrais en fait dire tout simplement que oui. Ce que vous voyez là sur les images, ça s'est passé à Anvers. Et Anvers, c'est la ville de Bart De Wever, qui est bourgmestre et qui est le dirigeant de la NVA. Maar tegelijkertijd staan er ook in Luik vandaag 17 kameraden van het ABV terecht voor het blokkeren van een snelweg. En zij worden beschuldigd van dezelfde feiten als hier de kameraden in het Antwerpse. Mais en fait, en ce moment-ci, à Liège, il y a aussi 17 camarades syndicalistes qui sont traînés devant les tribunaux. Pour avoir bloqué au fait une autoroute pendant une grève, et on leur reproche exactement la même chose que ce qu'on nous reproche à Anvers. En ik denk dat we dus wel degelijk kunnen zeggen dat het bewuste politiek is van de regering Michel, die dan wordt gevolgd door het gerecht en ook door burgemeesters, om effectief de sociale beweging te criminaliseren. Et je crois qu'on, sans aucun doute, on peut affirmer qu'aujourd'hui le gouvernement Michel, que l'appareil judiciaire a vraiment l'intention de criminaliser le mouvement social. Maar om even te schetsen wat er daar op die beelden eigenlijk gebeurt. In de Antwerpse haven is het een traditie. Het is een gebied van ongeveer 17 kilometer lang. Het is een traditie dat er op een aantal plaatsen piketten worden gezet, zodat we de haven kunnen afsluiten. Donc, je vais un peu situer les images. Dans Anvers, dans le port d'Anvers, c'est l'habitude lors des grèves générales, c'est de bloquer le port. Le port fait 17 km de long, et donc avec les militants syndicaux, on bloque des endroits stratégiques dans le port. En dan in de weken voor een actie delen we pamfletten uit aan de poorten van alle bedrijven die gelegen zijn in dat gebied. We roepen de werknemers op om piketten te versterken. De délégués houden personeelsvergaderingen. Et donc dans les semaines avant la grève générale, nous distribuons par exemple ce tract-ci devant toutes les entreprises. Nous appelons et sensibilisons les travailleurs à participer à la grève, aussi en faisant des assemblées générales de personnel dans les entreprises. Er wordt ook overlegd in de veiligheidscomité's met de directies van die bedrijven, want dat gaat dan over multinationals zoals Bayer, BASF, Monsanto, Total, dat zijn raffinaderijen, dat zijn chemische bedrijven, dat zijn CFSO-bedrijven. Donc nous discutons aussi, nous négocions avec les directions des multinationales qui se trouvent dans le port d'Anvers, dont une bonne partie sont des usines Seveso, donc la chimie et du pétrole, Monsanto, Total, Bayer et d'autres. Nous discutons en fait les conditions de sécurité de l'arrêt de la production. Omdat in die bedrijven moet er steeds een minimumbezetting aanwezig zijn. Dus ook in onze acties is altijd veiligheid een eerste prioriteit. Parce que dans ce type d'entreprise, même en cas de grève, on assure un service minimum pour justement assurer la sécurité de ces entreprises et naturellement de la population tout entière. En dus eigenlijk in de afgelopen jaren hebben er redelijk wat acties plaatsgevonden en was er een soort van modus vivendi gevonden met de plaatselijke politie, waarbij acties steeds op dezelfde manier georganiseerd werden. Et donc, d'année en année, on a acquis de l'expérience dans ce genre d'action et nous sommes arrivés à une sorte de modus vivendi avec la police. Et là, cette fois-là aussi, nous avons fait exactement ce que on a fait dans le passé. Alleen heeft het stadsbestuur onder leiding van Bart De Wever, die natuurlijk verantwoordelijk is voor de politie ook, beslist om op die actie op 24 juni om zijn ordentroepen op een andere manier in te zetten dan in al die acties ervoor. Mais cette fois-ci, Bart De Wever, qui est bourgmestre d'Anvers et aussi chef de la police, a décidé d'agir différemment face au piquet de grève et au blocage des routes dans le port. Dus men heeft op die dag ook mobiele eenheden uit Brussel vanaf 4 uur 's morgens afgestuurd op de politie. Dat was wel degelijk nationaal georganiseerd. Afgestuurd op de piketten. Donc c'était vraiment une initiative pas seulement anversoise, mais avec un appui national, dans les unités mobiles de la police fédérale, venant de Bruxelles, était déjà sur place à 4 heures du matin. En men heeft vanaf 4 uur 's morgens dus met het waterkanon en met de wapenstok vier dirkelige piketten over een afstand van 17 kilometer opgeruimd. Et donc à partir de 4 heures du matin, ce genre d'action de la police a eu lieu sur 4 endroits différents sur une longueur de 17 kilometer dans le port d'Anvers. Dat is gebeurd zonder enige verwittiging. Men heeft eigenlijk direct het waterkanon ingezet en gezegd dat alle stakers van de straat moesten. Cette action policière s'est faite sans le moindre avertissement de la police vis-à-vis des meneurs des actions. Et à chaque endroit, systématiquement, donc les piquets de grève ou les piquets de blocage ont été évacués. Et dans l'élément de criminalisation, zit er daarin. Men heeft eigenlijk vanaf het begin van de actie heeft men de Antwerpse ABV-voorzitter gearresteerd, samen met nog een syndicale militant. Donc, l'élément de criminalisation de l'action sociale consiste dans la chose suivante. C'est dès le début, la police a arrêté le président de la FGTB d'Anvers, qui est aussi secrétaire général de la centrale générale d'Anvers, et un autre délégué syndical présent dans l'action. Men heeft in de cel gegooid in een politiekantoor een beetje verderop. Ils l'ont mis en prison dans un commissariat de police. En ze dan pas in de namiddag vrijgelaten. Ils les ont libérés seulement l'après-midi. En dan zie je dat er eigenlijk een versnelling komt. Dus na de actie komt er een versnelling in de manier waarop zij moeten voorkomen voor het gerecht. On assiste véritablement une accélération de la procédure judiciaire. Op 24 juni worden ze gearresteerd. Op 4 juli is er dan een eerste ondervraging. Donc le 24 juin, ils sont arrêtés et libérés. Le 4 juillet, ils sont interrogés. En als ik spreek van een versnelling, moeten we natuurlijk in België niet overdrijven met een gerechtelijke versnelling, want dan geraakt het dossier zoek. Naturellement, quand je parle d'accélération de la procédure judiciaire, on doit bien mettre ça dans le contexte belge, où les choses, même au niveau judiciaire, quand elles sont accélérées, ne se passent pas vite. Et donc, après le 4 juillet, après l'interrogatoire, le dossier semble avoir disparu, ils l'ont perdu. Dus men was het kwijt gedurende jaren, en dan heeft men in december 2017... heeft men die twee personen opnieuw, heeft de onderzoeksrechter beslist dat die twee personen opnieuw dienen ondervraagd te worden. En in december 2017 le dossier est retrouvé et il décide de réinterroger les deux personnes. Dus men beschikt eigenlijk over geen, want als het vandaag gaat ook veel over filmen nu, in die waterkanonnen zitten ook camera's en die filmen ook, maar men kon die beelden niet gebruiken. Hè. Nous savons en fait lorsque les canons à eau sont en action, elles filment aussi ce qui se passe devant les pompes à eau, oui. Mais ces images-là n'ont jamais été utilisées. Elles ne sont pas utilisables. Pardon. En in elk geval, dus beide kameraden worden opnieuw ondervraagd in december 2017. Les deux camarades sont réinterrogés en décembre 2017. En dan gaat het plots heel snel. Het is in februari 2018. Dus dit jaar is er een dagvaarding. Et donc, il y a une véritable accélération. Donc, en février 2018, ces deux camarades sont invités à se défendre devant la justice. En dus in april 2018 dienen zij een eerste keer voor te komen. Et en avril 2018, il passe devant le tribunal. En dan, wat doet men om hen te criminaliseren? Men beschuldigt hen van kwaadwillige belemmering van het verkeer. Et donc, l'élément de criminalisation de mouvement social consiste dans le fait qu'on les accuse d'avoir délibérément empêché la circulation. En dat is een beschuldiging die men 2 jaar ervoor ook gebruikt heeft tegen voorkramers die protesteren tegen het feit dat de Antwerpse Singsfort dienen te verhuizen. 2 ans auparavant, c'était exactement la même accusation qu'a utilisée la justice anversoise contre des forains qui avaient protesté à Anvers contre le déplacement de lieu de la foire d'Anvers. En tijdens die actie is er heel zwaar geweld gebruikt door de politie en burger die met wapenstokken op die voorkramers hebben geslagen. Et pendant cette action-là, ou durant cette action-là, la police a agi avec beaucoup de violence. Les policiers en civil ont utilisé leur matraque pour vraiment libérer les voies et frapper les forains. En uit die beelden kan je eigenlijk amper opmaken wie nu de politie is en wie de voorkramers. Alleen zie je dat de politie natuurlijk de wapenstokken vast heeft. Et il est difficile de voir, au fait, sur ces images-là, dans les bagarres entre forains et policiers. Qui est forain et qui est agent de police? La seule différence, naturellement, c'est que les agents de police utilisent leur matraque et les forains pas. Dan onlangs enkele maanden geleden, als het gaat over de criminalisering van het sociale verzet, nu niet alleen het sociale verzet wordt gecriminaliseerd, maar ook blijkbaar het Belgische leger. Et donc, c'est pas seulement la résistance sociale qui est criminalisée, mais aussi l'armée belge récemment. Enkele maanden geleden is er in Antwerpen een protestactie geweest van een corporatistische vakbond binnen het leger die uit protest tijdens de ochtendspits op de Antwerpse ring enkele camions heeft laten in pannen vallen. Donc, il y a quelques mois, une organisation syndicale corporatiste de l'armée belge a voulu protester contre la situation sociale à l'armée. Et en fait, elle s'est assurée d'amener des véhicules militaires sur le ring, je crois, d'Anvers, et a provoqué la panne de ces véhicules en plein heure de pointe. Dus en ook die, ik ga ze niet kameraden noemen, maar ook die militairen, zijn onlangs veroordeeld voor de rechtbank wegens het kwaadwillig belemmeren van het verkeer. Je vais pas appeler ces militaires des camarades, mais je veux dire, les militaires ont récemment et aussi été condamnés par le tribunal pour avoir, au fait, empêché la circulation publique. Dus we merken dat een term is die gebruikt wordt om eigenlijk elke vorm van sociaal verzet te gaan criminaliseren, onder een brede waaier natuurlijk. Naturellement, c'est un terme qui revient systématiquement, c'est une accusation et une formulation qui revient systématiquement dans les tentatives de criminalisation de l'action sociale en Belgique les derniers temps. Nu, wat hebben we gedaan in het Antwerpen? Dus we hebben een advocatenteam samengesteld met advocaten gespecialiseerd in strafrecht, arbeidsrecht en mensenrecht. Donc, nous avons, comment est-ce que nous avons réagi? Nous avons composé une équipe d'abord d'avocats. Un avocat spécialisé dans le droit pénal, un autre spécialisé dans le droit de l'homme et un troisième avocat spécialisé dans le droit du travail. Elke autoriteit op hun gebied, en gekend in Vlaanderen, in België misschien zelfs, die een conclusie van 20 bladzijden hebben neergelegd. Ces trois avocats sont vraiment pignon sur rue, sont connus en Flandre et sont des spécialistes chacun dans leur dans leur spécialité. Ils ont déposé un document de 20 pages pour défendre les deux camarades. Et waarbij aangetoond werd dat er het recht is op collectieve actie, dat er het recht is op stakingsrecht, dat er het recht is om piketten te plaatsen en dat zelfs kan betekenen dat er wegen worden geblokkeerd op dat moment. Dans ce document, donc notre défense a clairement expliqué argument juridique à l'appui que en effet, les actions sociales sont autorisées dans ce pays, des piquets de grève sont autorisés, et l'action sociale inclut aussi la possibilité de bloquer la circulation et des voies. Tijdens elke zitting van het proces hebben binnen vakbondskringen gemobiliseerd. Er zijn telkens enkele honderden militanten aanwezig geweest op de zittingen. À chaque fois, nous avons mobilisé des centaines de militants lors de l'évolution du procès. Maar 29 juni is er uiteindelijk een veroordeling gekomen. Le 29 juin, le tribunal les a condamnés. Dus de voorzitter van het ABV is schuldig verklaard als organisateur. Le président de l'EGTB, Bruno Verlaat, est considéré coupable en tant qu'organisateur de l'action. De andere delegé is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijzen. Et l'autre délégué était acquitté par absence de preuves. Nu, als ik zeg dat men absoluut een veroordeling wil, we zijn in beroep gegaan in juli. En op 4 oktober is dit beroep reeds voorgekomen. Allez, op de rol gezet. Donc, nous avons introduit un retour. Et le 4 octobre, la première session du tribunal a déjà eu lieu. Op 24 april is er nu de nieuwe zitting in beroep. Le 24 avril, la première session a lieu en recours. Maar elk van die advocaten zegt 2018, cette année-ci. Oui, pardon, l'année prochaine, oui, excusez-moi. Et er is een veroordeling geweest in juni en het beroep komt nu voor in april 2019. Voilà. Et dus elk van de advocaten is verbaasd over de snelheid waarmee men die ganse zaak wil afwerken. En men zegt dat eigenlijk ongezien is dat er een beroep volgt enkele maanden na een proces, dat men daar meestal 1 tot 2 jaar moet op wachten. Les avocats sont vraiment surpris de la rapidité de l'action de l'appareil judiciaire, parce que d'habitude, d'autres procédures, un recours prend 1 an ou 2 ans avant d'aboutir ici. Ils veulent faire aboutir cela le plus rapidement possible. Dus we weten dat er achter de schermen politieke druk is dat die zaak nog voor de verkiezingen moet opnieuw uitgesproken worden. On sait que en coulisses des pressions politiques sont exercées pour que un jugement soit prononcé avant les élections de mai de l'année prochaine. We kunnen dat niet bewijzen, maar we weten dat het zo is. Exactement, on n'a pas de preuve tangible de cela, mais on sait que c'est bien le cas. Dat betekent dat we naar het proces van 24 april opnieuw massaal zullen mobiliseren om die zitting bij te wonen. Donc ça signifie que nous allons mobiliser massivement aussi pour une participation des militants le plus grand lors du procès du 24 avril. En als we opnieuw veroordeeld worden, zullen we opnieuw beroep aantekenen tot op het hoogste niveau. Et si on nous condamne à nouveau, nous allons introduire un nouveau recours au niveau le supérieur. Omdat dit is voor ons een principiële zaak. Pour nous, c'est une question de principe. En sociale conflicten los je niet op met geweld of door politie op piketten af te sturen. Un conflit social ne se résout pas par la violence et en utilisant la police pour dégager les piquets de grève. Voilà. Merci pour ce témoignage. Effectivement, on comprend que les enjeux sont assez nombreux. Hein. Est-ce que le droit de circuler doit primer sur le droit de pouvoir défendre ses droits en tant que travailleur, en tant qu'organisation, en tant que mouvement? Et effectivement, on voit une répétition de plus en plus grande de ce genre de circonstances. On a dans la salle aussi Jordan Croizard qui a vécu 2 ans de procédure en tant que cheminot. Parce qu'il a été accusé de différents points. Il pourra en parler s'il veut tout à l'heure. Mais enfin, c'est des procédures qui sont lourdes, qui sont pénibles, qui, je pense, rendent le combat social plus compliqué. Peut-être, Mathieu, tu pourrais réagir aussi, toi, en tant que juriste. Comment tu vois les... Voilà, mais merci pour ce témoignage. Et donc j'en profite aussi pour remercier ZinTV, ce que je n'ai honteusement pas fait tout à l'heure. Et vous-même d'être là, hein, au lieu d'aller batifoler le samedi soir dans ces riantes rues Saint-Gilloise. Oui, donc le droit dans tout ça. Donc c'est clairement... c'est clairement de mon point de vue ce qui se passe là, c'est une criminalisation scandaleuse du droit de grève, du droit de manifester, du droit à la liberté d'expression. Voilà, ça c'est mon avis. J'espère que ce sera aussi l'avis de la cour d'appel, et donc je ne peux que réitérer l'appel à tout le monde de bien noter le 24 avril 2019. Je pense que c'est un excellent exercice pratique pour suivre cette conférence. Et ça me fait penser, et donc c'est clairement, alors je pense qu'il y a des motivations politiques probablement. Je voulais aussi dire qu'on n'a pas nécessairement besoin, donc on peut organiser un procès politique tout en ayant une justice parfaitement indépendante des politiques, et que ce n'est pas nécessairement des connexions directes qui vont des politiques à la justice. Ça me fait, ce qui se passe là maintenant, ça me fait penser... Et alors, on a tout de suite l'air d'un très vieux con au procès de Clabec, 1996, qui s'est déroulé sous un gouvernement d'une toute autre nature, socio-chrétien, socialiste, où, dans lequel Roberto Doradio et ses camarades de Clabec étaient poursuivis notamment pour avoir manifesté sur l'autoroute à Nivelles, hein, pour avoir manifesté et pour avoir, à l'aide de bulldozers d'une marque bien célèbre, en partie d'avoir tenu tête, voilà, on ne me laisse pas, d'avoir tenu tête à la gendarmerie de l'époque, hein, donc avec certaines armes. Et donc pour Clabec, ça s'est très bien terminé, ça s'est terminé beaucoup plus tard en 2002. En appel, et le juge ayant finalement considéré que oui, ça entrait dans le cadre d'activités syndicales légitimes, tout ce qu'ils avaient fait, y compris le fait d'aller manifester avec des bâtons, ce qui techniquement, selon le droit, est évidemment punissable puisque c'est port d'armes prohibé, etc. Mais donc le juge avait tombé sur un juge particulièrement compréhensif qui avait dit que oui, finalement, c'était une tradition chez les métallos de prendre des bâtons manifs et que donc il ne fallait pas le voir comme quelque chose de punissable, mais que, comme de la culture ouvrière des métallurgistes qui voilà. Donc vous voyez qu'en fait, on peut, tout ça pour vous dire qu'on peut, finalement, le droit peut s'adapter assez bien en fonction du contexte et en fonction de facteurs qui n'ont rien à voir avec le droit et qui, notamment, ont trait à l'ampleur de la mobilisation, hein, à l'ampleur de la mobilisation qui... Donc ça vaut vraiment la peine d'aller soutenir Lévy parce que la mobilisation peut faire une différence. En tout cas, à l'époque, elle le pouvait. Aujourd'hui, on pourrait dire... mais ça, c'est vraiment... si on est pessimiste, on pourrait dire que ça peut aussi polariser les choses et qu'il y a effectivement un combat politique qui se joue derrière. Mais au niveau du droit, vraiment, il y a quelques questions juste pour clarifier, puis... Je me tairai et je pense que vous avez aussi des choses à dire et je pense que c'est l'idée qu'on puisse débattre. Mais on se demandait tout à l'heure, tiens, est-ce qu'on a besoin d'une autorisation pour faire une action comme ça, hein? Et tout à l'heure, on demandait, mais est-ce qu'on a besoin d'une autorisation pour se balader avec deux tambours devant la gare du Midi? Mesdames, messieurs, la réponse est oui. La réponse est oui, on a besoin d'une autorisation, malheureusement. Et donc, il ne faut pas aller chercher très loin. Hein. Il faut juste aller regarder le règlement général de police de cette charmante commune de Saint-Gilles, hein, qui nous dit « Tout rassemblement, manifestation ou cortège, de quelque nature que ce soit, donc avec tambour, sans tambour, trompette, tutu, etc., sur le domaine public ou dans les galeries, parkings et passages établis sur assiette privée, donc hein, accessible au public, donc on s'en fout, lieu public ou privé, s'il est accessible au public, est subordonné à l'autorisation du bourgmestre. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que à Saint-Gilles, et donc c'est tout le sel, c'est que la loi est la même pour tout le monde dans ce pays. Mais chaque commune peut décider à quelles conditions on doit demander l'autorisation. Déjà, chaque commune peut décider s'il faut ou pas demander une autorisation. Je vous défie de me citer une commune qui n'exige pas une autorisation. À Saint-Gilles, combien de temps à l'avance devez-vous vous adresser au bourgmestre si vous souhaitez organiser un cortège, manif, etc. Vous savez ? Combien de temps ? Allez, dites. 2 semaines. Non ? 45 jours, messieurs, dames. 45 jours. Donc, si vous voulez organiser donc un petit happening, y compris artistique, hein, c'est 45 jours à l'avance. Alors, moi, ce que j'espère, c'est que les formations politiques, et surtout celles qui se réclament progressistes, qui entrent dans des majorités, eh bien, qu'elles discutent ça. Je ne me fais pas trop d'illusions, mais qu'elles discutent ça, que les citoyens discutent ça, qu'on fasse un peu pression, puisque ça, c'est vraiment quelque chose, et je pense que le témoignage de Lévy le montre clairement. Il y a des lois qui sont prises au niveau fédéral, il y a des normes internationales, etc. Mais la commune, l'échelon local, a un rôle très important à jouer dans toutes ces problématiques-là. Donc il y a une loi qui encadre le droit... Qui explique dans quelles conditions les policiers peuvent disperser une manifestation. Il y a une loi qui explique que si les policiers veulent utiliser la force, et donc y compris les autopompes, ça doit être nécessaire, proportionné. Ils doivent prévenir avant. Hein, donc ça, c'était aussi un problème. Hein. Si on utilise la force, y compris en envoyant de l'eau sur des manifestants, il faut prévenir avant. Mais la manière dont tout ça est mis en musique et les instructions qui sont données aux policiers avant un événement... c'est quelque chose dans lequel le bourgmestre a un pouvoir très, très important, très, très important en pratique. Donc, le bourgmestre, donc, qu'est-ce qui se passe si vous faites une manif et que vous n'avez pas demandé l'autorisation avant 45 jours, etc.? Eh bien, dans la pratique, vous allez être considéré comme une manifestation non autorisée, hein. Et donc, vous allez pouvoir Enfin, vous allez éventuellement subir des sacs, des sanctions administratives communales qui peuvent aller jusqu'à 350 euros. Et donc, les policiers peuvent verbaliser des gens qui ne font rien d'autre que manifester pacifiquement, hein, comme ceux qu'on a vus tout à l'heure avec leur tambour. Ça, c'est sur base d'un règlement, encore une fois, communal, hein, communal, qui peut décider ou non de criminaliser le fait, criminaliser par des sacs, hein, le fait de participer à une manifestation non autorisée. Donc c'est encore un débat qui peut qui est un débat fondamental pour les militants, les libertés publiques, qui peut se dérouler au niveau communal. Mais tout ça, si on regarde le contenu du droit à la manifestation, du droit à la liberté d'expression, du droit à la liberté d'association dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le simple fait d'être sanctionné, même par une amende symbolique, hein, même par une amende symbolique de 20 ou 50 euros, ce qui n'est pas symbolique pour tout le monde, hein, c'est liberticide. Si on participe uniquement à une manifestation pacifique, c'est liberticide, c'est contraire aux droits fondamentaux de coller une amende de 20 ou de 50 euros à quelqu'un qui ne fait que manifester sa liberté d'expression dans l'espace public. Et alors, parfois on vous dit, ouais, mais il y a eu des incidents dans votre manif, donc on a le droit de coffrer tout le monde, de coller une amende à tout le monde. Et donc, le simple fait qu'il y ait dans une manif certains incidents ne rend pas la manif elle-même non pacifique. Hein, parce qu'une manif qui serait organisée uniquement pour créer des incidents, pour s'attaquer violemment aux façades des symboles du grand capital, évidemment, ça, on pourrait dire que ce n'est pas une manif pacifique. Mais le fait qu'il y ait des incidents par quelques individus dans une manif ne permet pas à l'autorité de criminaliser toute la manif. Ça, c'est clairement dit aussi dans la jurisprudence de la Cour. Et donc, si pour une raison ou une autre, et souvent on a de très bonnes raisons de ne pas respecter les procédures prévues par ces règlements, surtout 45 jours, c'est évidemment pas réaliste. Vous voulez protester par rapport à un événement chaud qui vient de se passer, pas moi, j'invente. Les élections au Brésil, par exemple, hein, vous trouvez que c'est formidable, vous voulez claironner votre soutien au nouveau président brésilien, c'est ce qui est votre droit, ou bien au contraire, vous souhaiteriez protester. Bon, ben, y a une nécessité de réagir à un événement dans l'actualité chaude. Si vous le faites dans 45 jours, ça risque, vous aurez l'air de vous être réveillé, d'être sorti de votre caverne. Tiens, les élections au Brésil, bon, en fait, personne n'en parle. Et donc, quel est l'intérêt de réagir 45 jours plus tard, hein? Donc, ce délai de 45 jours qui a été décidé démocratiquement par le Conseil communal de Saint-Gilles est par définition, je pense, pose problème par rapport à ce droit fondamental. Et donc, si on vous menace d'une sanction administrative pour avoir participé à une manif qui n'est pas autorisée, la Ligue des droits de l'homme, dans son immense magnanimité, met à votre disposition un modèle de lettres qui vous permet de réagir et d'essayer de convaincre l'autorité d'appliquer plutôt les droits fondamentaux qui sont dans le droit européen plutôt que le règlement communal qui est liberticide dans ce cas-ci, je le répète, j'insiste. Voilà, et dernière chose, et puis j'espère que vous allez réagir et prendre la parole. On a parlé pas mal de l'identification des policiers, hein, et ça revenait aussi par rapport à l'intervention des policiers en civil face aux forains à Anvers. Donc, il y a un gros problème par rapport à cela aussi dans ce pays, c'est que, en principe, chaque policier doit être identifiable en toutes circonstances. Ça, c'est un principe fondamental. identifiable, ça ne veut pas dire qu'on doit pouvoir connaître son identité, son nom, etc. Non, ça veut dire qu'on doit pouvoir l'identifier éventuellement avec un numéro pour pouvoir identifier l'auteur d'une éventuelle infraction, qui serait un policier qui dépasse les bornes ou qui fait usage de violence illégitime par rapport à l'une ou l'autre personne, notamment dans des manifs. Vous voyez ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, ça marche assez bien. Les policiers ont un numéro d'identification clairement identifiable sur le devant, sur l'arrière, etc., en toutes circonstances, y compris dans les manifs. Je vous mets au défi de trouver cela dans des manifs en Belgique. Alors, certains pensent « Ah oui, mais ils ont un numéro !» C'est bon, ils ont un numéro de 4 chiffres. Non, c'est le numéro de la zone. Hein. Ils ont tous le même. Hein. Donc, chaque zone de police en Belgique a un numéro. Donc, c'est pas ça. Donc, ils ne respectent pas cette règle importante. Il y a parfois le brassard orange dont on a parlé tout à l'heure. Ce brassard orange est souvent illisible. Donc, il y a en principe un numéro d'identification sur le brassard. Donc, chaque policier a son brassard, ils ne peuvent pas se le refiler ni se l'échanger, mais c'est presque impossible à lire. Donc on a un vrai problème par rapport à ça, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui dit que, et ça fait partie de toutes les règles qui doivent être mises en place pour que l'interdiction de la torture soit quelque chose d'effectif et pas du blabla, c'est que si on veut interdire la torture, ça implique qu'il n'y ait pas d'impunité, et la torture au sens large, c'est-à-dire aussi des coups de matraque sur des manifestants inoffensifs, c'est une forme de torture, évidemment. Hein, donc des coups de matraque injustifiés sur des... Bon. Il faut pouvoir identifier et sanctionner les policiers qui commettent des actes de torture. Et si on rend cette identification impossible, soit parce que des règles... le permettent, soit en pratique parce qu'on ne prend pas les mesures pour le faire, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, eh bien, on viole l'interdiction de la torture qui, vous le savez sans doute, est une des rares règles dans notre droit qui est une règle absolue. Hein, donc c'est assez rare, comme disait Jean-Christophe tout à l'heure, le droit c'est souvent, on dit, vous avez le droit de faire ça, puis il y a une liste d'exceptions longue comme le droit, le bras, qui vous dit dans quel cas vous n'avez quand même pas ce droit. Hein, vous avez le droit de filmer, oui, mais sauf quand ceci. Bon, voilà. Et ben, la torture, l'interdiction de la torture, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Hein, donc la torture, les traitements inhumains et dégradants sont interdits, point, point. Voilà, point. Il n'y a rien d'autre. Donc c'est important. Et même une simple claque hein, donnée par un policier sans raison, c'est une forme de traitement dégradant, donc interdit de manière... Absolument. Voilà, je me tais, j'espère que vous allez réagir et partager des témoignages. Merci. Donc effectivement, vous avez la possibilité de réagir. Comme vous le voyez, il y a un dispositif caméra autour de nous parce que les débats sont filmés et seront publiés sur notre site internet. Si vous prenez le micro et que vous ne voulez pas être filmé, simplement signalez-le avant, comme ça on le sait. Oui, je me demandais par rapport à cette question, justement, quand on dit que c'est un droit absolu, enfin, je ne sais pas si le mot est complet ou absolu, mais puisqu'ils ne le respectent pas, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pourquoi ils se permettent de ne pas respecter une règle non discutable et qu'il ne se passe rien ? Donc l'interdiction de la torture. Ben, pourquoi est-ce que les règles ne sont pas respectées ? Ça, c'est un grand débat. Hein, donc, il nous arrive tous de ne pas respecter certaines règles. Non, mais donc... Il y a un fossé entre ce qui se passe au niveau international et ce qui se passe au niveau des pays et encore plus des communes. Donc cette règle n'est pas discutée, le contenu de la règle n'est pas discuté, encore que dans certains endroits et certains pays, y compris le nôtre, on discute de la portée de la règle. C'est-à-dire, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais voilà, l'interdiction de la torture, elle est indiscutable au niveau juridique, mais elle est discutée au niveau politique, parce qu'il y a quand même des gens qui pensent que dans certains cas, pourquoi pas, hein ? Bon, alors ça, c'est une première chose. Mais comment ça se fait qu'une règle qui est juridiquement indiscutable au niveau international n'est pas appliquée ici en Belgique ? Ben parce que ce qui est juridiquement indiscutable au niveau international n'est pas une priorité politique, ou bien qu'il y a une volonté politique de ne pas la respecter. Parce que je pense que beaucoup de policiers n'ont pas très envie d'être reconnaissables tout le temps et qu'ils sont parfois plus écoutés que leurs clients sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour mettre les moyens, parce que c'est quand même un peu des moyens, il faut recoudre les uniformes, mettre des numéros, etc. Il faut faire des registres avec... Donc il y a beaucoup de moyens qui sont mis pour ficher la population. Il y a beaucoup moins de moyens qui sont mis pour faire respecter une règle qui pourtant est indiscutable. Pourquoi n'y a-t-il pas de sanctions ? Enfin, c'est juste, voilà, je veux dire, on met des règles, mais apparemment il n'y a pas de sanctions, donc ça sert à quoi de mettre des règles ? Oui, mais donc c'est le rôle des citoyens d'être, et donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est notre rôle à tous pour qu'on puisse faire pression, faire poser des questions au Parlement sur cette... Parce qu'il y avait plus ou moins un consensus politique quand même en 2014 pour que cette règle soit appliquée. C'est-à-dire qu'on a mis dans la loi sur la fonction de police belge le principe que tout... les policiers devaient être identifiables tout le temps. Sous-entendu, y compris quand ils sont habillés en Robocop ou Playmobil, ou vous appelez ça comme vous voulez. Ou en civil, mais avec le brassard. Mais donc, en civil, à partir du moment où ils interviennent, il est évident qu'ils ne doivent pas porter leur brassard tout le temps s'ils sont en civil, sinon ça n'a plus aucun intérêt d'être en civil. Hein. Donc, il faut quand même aussi... Mais donc c'est le rôle, c'est votre rôle et notre rôle à tous de faire pression pour que cette règle soit respectée. Moi, j'attire votre attention pour dire, et la Ligue le fait tout le temps, enfin le fait constamment, il y a cette loi qui a été votée en 2014 et qui dit oui, mais pour être appliquée, il faudra un arrêté royal. Parce que le principe semblait être acquis. L'arrêté royal devait dire... où est-ce qu'on met ces numéros ? Parce que si on... C'est le diable se cache dans les détails, en fait. Parce que si tu dis, OK, tous les flics doivent être identifiables tout le temps, et que tu prends aucune mesure, il y a personne maintenant qui dit, non, les flics ne doivent pas être identifiables, personne dit ça, c'est beaucoup plus sournois, en fait. C'est beaucoup plus sournois. Tout le monde dit, les flics doivent être identifiables tout le temps, mais personne ne prend les mesures pour que ça se concrétise. C'est ça l'idée. C'est comme... On peut parler d'autres choses comme le testing en matière de discrimination. Hein. Tout le monde dit c'est dégueulasse la discrimination, mais est-ce qu'on peut envoyer des CV anonymes ? Ah ouais, mais c'est compliqué. Voilà. On est un peu dans ce style de truc sournois. On prend un principe et puis on ne prend pas les mesures. Hein. Donc il y a des exemples où ça marche. Je vous dis, l'Allemagne, il faut aller dans des manifs en Allemagne. C'est assez... Le contraste avec la Belgique, c'est très impressionnant sur ce point-là et sur d'autres. Oui. Moi, je voulais revenir sur ce qui a été dit tantôt par rapport aux forges de Clabecq, à la question de la criminalisation des mouvements sociaux, des mouvements de grève, et en fait, la judiciarisation des mouvements sociaux. Parce que je pense que c'est quand même une question importante dont on parle très, très peu dans le débat public. La question de pourquoi est-ce que ce serait le rôle ou ce ne serait pas le rôle du juge et donc du pouvoir judiciaire de décider qu'est-ce qu'est un conflit social qui est juste et qu'est-ce qu'est un conflit social qui ne l'est pas. Et en fait, aujourd'hui en Belgique, il y a énormément de décisions de justice qui se prennent où des juges proposent ou demandent à des huissiers de venir casser des mouvements de grève à la demande de patrons en disant « mais voilà, l'utilisation que vous faites ici ou là de tel outil est problématique, vous ne pouvez pas occuper cette entreprise, vous ne pouvez pas... » Bon, alors ça va de l'occupation d'entreprise, du piquet de grève au blocage d'une route. Mais en fait, effectivement, bon, y a un débat juridique, mais la réflexion derrière, c'est de dire en quoi est-ce que un juge va pouvoir, en ne connaissant pas les tenants et les aboutissants d'un conflit social, venir dire ceci est un moyen approprié et ceci n'est pas un moyen approprié. Parce qu'en fait, quand le juge fait ça, quand l'autorité publique demande de faire ça, non seulement elle se fait l'arbitre de pourquoi est-ce qu'on peut agir de telle façon et pas de telle façon, mais en plus, en fait, elle s'impose dans le conflit social et elle vient décider sur quelque chose sur laquelle on ne devrait pas lui demander de décider, puisqu'elle vient, en fait, dire par rapport à ce conflit social-là et à ce problème-là, les moyens que vous autorisez sont bons ou mauvais, mais donc, du coup, proportionnés à l'origine du conflit. Et donc, en fait, le pouvoir judiciaire, à ce moment-là, vient de devenir l'arbitre, non pas seulement des moyens d'action, mais aussi des revendications des manifestants. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus important, cette judiciarisation des mouvements sociaux et cette criminalisation. Et je pense qu'il faut quand même prendre un peu de recul sur pourquoi est-ce que de plus en plus on voit ce pouvoir judiciaire être de plus en plus présent. Pourquoi est-ce que les militaires viennent dans les rues aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de contacts difficiles entre les policiers et les manifestants? Je pense qu'on peut le voir d'une façon très claire, c'est que de plus en plus l'État se retire d'une série de protections qu'il assurait aux citoyens. Et donc la sécurité sociale, on s'en retire de plus en plus, les soins de santé, on s'en retire de plus en plus. Et donc quand le pouvoir de l'État se retire, les citoyens sont laissés de plus en plus à la merci de ce qui n'est pas l'espace de protection de l'État. Et donc il y a une espèce de volonté de la part de l'État, du pouvoir public, d'affirmer une forme de présence, d'affirmer une forme d'autorité, de rôle de protection. Et donc, à ce moment-là, on est là pour rétablir l'ordre, on est là pour faire respecter une forme de droit, mais un droit qui est répressif et qui est une répression à l'égard de qui ? À l'égard des personnes qui, aujourd'hui, dans la société, sont déjà les plus victimes et les plus exploitées. Et donc, ça va être les manifestants qui vont être, du coup, vus comme des anormaux, des personnes qui viennent faire du trouble, des personnes qui n'exercent pas un droit politique, mais qui viennent troubler la sécurité des personnes. Donc ça va être les manifestants, ça va être les migrants, notamment. Ik neem aan dat dit geen vraag was, maar een tussenkomst. Ik denk, ten eerste hebben de vakbonden zich altijd verzet tegen de judiciëring van conflicten. Eigenlijk zeggen de vakbonden dat de enige die zich over het arbeidsrecht kan uitspreken, eigenlijk de arbeidsrechtbank is. Dus dat eigenlijk dat het niet kan dat conflicten worden stopgezegd via eenzijdige verzoekschriften, waarbij dan een deurwaarder komt om de staking te breken. D'abord, enfin, je ne crois pas que c'était vraiment une question. En tout cas, il va dire quelque chose à ce sujet-là. Dans la position de notre organisation syndicale, je crois de toutes les organisations syndicales, c'est qu'au sujet du droit social, du droit du travail, ce n'est qu'un tribunal du travail qui peut se prononcer. Et nous sommes tout à fait contre l'intervention des tribunaux, dans les conflits sociaux, aussi simple que ça, que ce soit avec les huissiers de justice ou d'autres moyens. Et natuurlijk, un social conflict is ook altijd een kwestie van krachtsverhoudingen. Ik heb niet de kans om het ganse verhaal uit de doeken te doen, maar ik denk dat er in de haven misschien iets andere beroepsgroepen hadden aanwezig geweest die dag, dat we ook een andere uitkomst van het conflict hadden gehad. Hè. Ik denk, als je vandaag kijkt naar Avia-partners, ja, de enige reden waarom zij erin slagen om het conflict te winnen, hè, laat dat zeggen, is omdat er een vrij grote consensus is dat iedereen meestaakt. Hè. Het feit dat de loodsen vandaag in België een staking kunnen winnen, is omdat alle loodsen meestaken en er is niemand anders die boten kan binnentrekken. Hè. Hetzelfde met de bagagisten. Stel dat zij maar 10% stakers zouden hebben, dan denk ik dat je iets andere krachtsverhoudingen zou hebben dan vandaag de dag. Ik denk dat het bij Avia-partners waanzinnig zou geweest zijn van de politie om de luchthaven binnen te vallen en iedereen daar buiten te kegelen omdat het een verboden manifestatie zou zijn. Je zou dat ook misschien kunnen overwegen. Dus ik denk ook dat sociale conflicten zijn altijd een kwestie van krachtsverhoudingen. En dan, België is natuurlijk nog altijd een klassenmaatschappij waarbij er natuurlijk justitie zich organiseert momenteel voor de heersende klasse. Justitie is er niet op gericht om te zorgen dat de arbeiders of de zwakken veel vooruitgang kunnen maken, is erop gericht om eigenlijk die repressie een stuk mee te kanaliseren. Donc, il dit, dire clairement, c'est que c'est aussi une question de rapport de force. C'est-à-dire, j'ai pas le temps de m'étendre sur le conflit particulier du 24 juin dans le port d'Anvers, mais la situation du rapport de force face à la police aurait été nettement différente, se serait posée d'une façon différente, si d'autres catégories professionnelles actives dans le port avaient été en grève et présents lors du piquet. On parle depuis quelques jours là, du conflit chez Avia Partner, le bagagiste de l'aéroport national. Mais si la police n'est pas intervenue contre la grève d'Avia Partner, c'est parce que pratiquement tous les travailleurs étaient en grève. Il n'y avait personne, je veux dire, il n'y avait même pas de piquet de grève, au fait, à l'aéroport. Donc il y avait un énorme consensus parmi les travailleurs. Donc ces questions-là se décident aussi par le rapport de force, dans la capacité ou la mesure dans laquelle un employeur ou l'État ou un juge peut intervenir efficacement, avec une certaine efficacité, de leur point de vue, dépend aussi du rapport de force et de la force du conflit social. Deuxième chose qu'il faut dire, c'est que certes, nous vivons toujours dans une société de classe. Et donc l'appareil juridique, les lois, l'appareil d'État, les juges, servent justement à accompagner cette répression et à nous rendre plus faibles, dans nos luttes. Et donc c'est ça aussi qui donne une signification particulière au rôle des juges, des tribunaux, des lois, etc. en Belgique. Je pense qu'il y a une question à l'arrière de... Bonsoir, j'aimerais ne pas être filmé, s'il vous plaît. D'abord, ouais, c'est pas grave. Voilà, en fait, j'ai été témoin de traitements dégradants et je me demandais, en fait, dans un cas d'arrestation, qui gère la personne qui est arrêtée, en fait. Est-ce que c'est la responsabilité du policier de faire en sorte que la personne qui l'a arrêtée soit bien traitée par la suite, ou c'est la responsabilité de la police en général? Je voulais savoir aussi. Si un citoyen attaque donc la police en justice, quels seraient les frais, s'il y a des aides pour ça? Et ma troisième question, c'est si les photographies sont des preuves juridiquement parlant, voilà, pour expliquer un cas. C'est le juriste qui répond. Donc oui, toutes les réponses se trouvent dans un excellent manuel qui peut être commandé dans toutes les très bonnes librairies. Donc, première question, qui est responsable du bien-être d'une personne arrêtée, voilà, ou de réparer les dégâts s'il y en a? Donc, c'est pas nécessairement le policier qui arrête, mais c'est les policiers qui prennent en charge au commissariat, qui doivent respecter tous les droits des personnes arrêtées, donc notamment expliquer pourquoi la personne est arrêtée, la laisser indirectement prendre contact avec une personne de confiance à l'extérieur. L'accès au médecin est en principe inconditionnel. C'est pas le médecin qui décide si on a besoin d'un médecin, même si parfois en pratique on a des témoignages qui nous disent que les policiers disent « Ah, mais t'es sûr que tu... Non, toi t'as pas besoin de médecin, mais si tu veux je peux arranger ça. Hein. » Donc, droit inconditionnel à un médecin, droit à accès aux sanitaires, etc. Alors, si tous ces droits-là ne sont pas respectés, comme c'est évidemment souvent le cas, parfois, qui est responsable? Alors, si on peut identifier les policiers qui auraient provoqué des mauvais traitements, étant entendu aussi que le fait de ne pas permettre l'accès au médecin à quelqu'un qui en a vraiment besoin peut être considéré en soi comme étant un mauvais traitement. Les policiers qui seraient coupables de ça peuvent être considérés comme délinquants dans certains cas, hein, non-assistance à personne en danger, coups et blessures, etc. Si on peut les identifier, rien ne s'oppose, en théorie, selon les textes de loi, à ce qu'ils se retrouvent un jour devant un tribunal et éventuellement condamnés. Si on ne parvient pas à les identifier, donc, et je réponds tout de suite, les photos sont évidemment des preuves. Les photos prises sans le consentement des policiers sont aussi des preuves utilisables en justice. Le fait de transmettre des photos à la justice ne nécessite pas leur consentement, même s'ils sont identifiables dessus, puisque la justice est elle-même tenue au secret, etc. On n'est plus dans, le débat de tout à l'heure. Mais s'ils ne sont pas identifiables, on peut aussi introduire une action contre la zone de police, s'ils sont des policiers locaux, ou l'État fédéral, si ce sont des policiers fédéraux. Ça se fait peu. Ça a été fait par des clowns qui ont été arrêtés lors des manifs No Border en 2010 et qui ont été arrêtés sur base de leur look de clown. Parce que selon un commissaire bien connu de la police de Bruxelles, oui, mais quand même, les clowns, c'est menaçant et c'est un problème pour l'ordre public parce qu'ils se moquent des policiers qui font des interventions légitimes. Je paraphrase, mais c'était en quelque sorte ça. Sur base de ça, un juge a décidé que les arrestations étaient illégales et a accordé un dommage aux clowns qui étaient arrêtés. Mais si on est dans vraiment des traitements dégradants, les policiers sont délinquants, les policiers qui commettent un traitement dégradant sont délinquants. Et alors, est-ce qu'il y a des aides pour ça? Oui, ça s'appelle le bureau d'aide juridique. Donc, si on gagne en dessous d'un certain revenu, on a en principe le droit d'avoir un avocat gratuit désigné par le bureau d'aide juridique. En pratique, je ne conseillerais surtout pas je ne conseillerais pas directement de faire ça. Je conseillerais d'aller voir un avocat spécialisé dans ce type d'affaires-là et d'essayer de négocier avec lui qu'il prenne en charge le dossier dans le cadre de l'aide juridique. Ce que très peu vont accepter de faire, je m'empresse de le dire, parce que ce sont des dossiers où il faut beaucoup travailler et que le bureau d'aide juridique, ce sont des forfaits et les avocats sont assez mal payé s'ils veulent faire un travail conséquent dans le dossier. Mais voilà, bonne chance. Merci. Alors, on a parlé de preuves aussi, effectivement. Est-ce que les photographies, les images sont des preuves de ce qui se passe? Et Mathieu m'a suggéré en fait une publication du New York Times qui aborde une question spécifique qui est la prise d'images, notamment par les policiers eux-mêmes, qui pourraient porter une caméra. Et est-ce que ces images sont réellement représentatives de ce qui se passe lors d'une situation de violence ou d'une situation de confrontation, on va dire, dans le cadre d'une manifestation? Et je vous propose peut-être, pour aller vers la fin, de visionner ces images et de commenter. Est-ce que cette mesure est réellement une mesure intéressante? Take your hands out of your pockets now! Now! 6x6, I have foot pursuit! Foot pursuit! Running right now, running! Taser! Stop resisting! Stop resisting! He's reaching for my gun! Reaching for my gun! Let go now! Let go! How you doing tonight, sir? Man, what is this cop doing? Guys are standing there. Take your hands out of your pockets. Why is he getting so take frustrated? Your hands out of your pockets. No, what the fuck? Now. Oh my god! Oh my god! Why is he chasing him? The guy's not even doing anything. You see this? Oh my god! He just tased him. Like, what the fuck is this cop thinking? That's insane. Bon, voilà un exemple simple aussi pour montrer qu'effectivement, ce genre d'image, selon l'angle dans lequel on se retrouve, peut être discutable. Je sais pas, toi, tu as une position par rapport à ça? C'est-à-dire que il y avait la question, on a le droit de filmer la police, mais la police nous filme tout le temps et la police nous filme de plus en plus. Hein, donc je pense que Lévy l'a dit, très souvent dans les autopompes, il y a des caméras. Les caméras, donc la possibilité pour la police de filmer les citoyens n'obéit pas du tout aux mêmes règles que celles des citoyens pour filmer la police. Donc en gros, pour vraiment caricaturer très fort, la police peut... filmer. Enfin, la police n'a jamais besoin de l'autorisation des personnes qu'elle filme, hein, sauf très rares exceptions. Mais les images qu'elle filme peuvent quand même être demandées pour notamment démontrer ce qui s'est passé dans un commissariat ou dans la rue lors d'une interpellation. Donc c'est, voilà, les images prises par la police elle-même peuvent quand même parfois se retourner contre elle si on parvient à mettre la main dessus, ce qui n'est pas évident, mais c'est un réflexe qu'il faut quand même avoir quand on veut réagir. Et alors, la nouvelle tendance, entre guillemets, donc la loi a été adaptée notamment pour ça, pour permettre aux policiers de porter une bodycam, c'est-à-dire une petite caméra qui est fixée sur l'épaule ou sur le torse. Et donc, l'idée, c'est de dire, si les incidents entre citoyens et policiers sont filmés dès le début par la bodycam du policier, il y aura moins d'incidents. En tout cas, on pourra prouver plus facilement autant les abus policiers que les incidents provoqués par les citoyens. Bon, et donc le film du New York Times montre que il y a un problème de perspective déjà. Donc l'image prise par ces bodycams est par nature biaisée, hein, puisque vous voyez dans la première séquence, on a l'impression que le type devant le policier est très très menaçant, alors qu'en fait il ne fait que danser en levant les bras si on voit ça d'un autre angle. Et donc dans la deuxième image aussi, on voit que par définition, l'image prise par une bodycam est déformée. Donc le message que j'ai simplement envie de faire passer, c'est de dire que la bodycam peut éventuellement être un outil pertinent à condition que la police l'utilise de bonne foi, c'est-à-dire qu'elle ne le coupe pas juste au moment où ça l'arrange que les images ne soient pas prises, qu'il y a un biais, qui est inhérent aux images qui sont filmées. Et surtout, que ça ne doit jamais être un prétexte pour dire « Nous avons tout filmé avec nos bodycams, donc vous n'avez plus le droit de nous filmer. » Puisqu'on voit là que les images prises par les citoyens sous un autre angle restent capitales pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Donc ça, je crois que c'est vraiment la leçon fondamentale de cette expérience donc de chercheurs américains, c'est que l'utilisation éventuelle de bodycam par la police ne peut jamais être une raison valable pour empêcher les citoyens de filmer.